Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 janvier 2017. C'est la dernière édition de cette soirée. En voici les grandes articulations. La plateforme de l'opposition burundaise essentiellement en exil, le Sénaré annonce qu'il ne va plus participer aux négociations ou toute autre activité organisée par le facilitateur Benjamin Mkapa. Il proteste contre le parti pris déjà affiché par cet ancien président tanzanien. Et les représentants des confessions religieuses burundaises demandent que les autorités publiques les écoutent et tiennent compte de leurs conseils, du moment qu'ils reconnaissent leur importance dans la consolidation de la paix. Ce matin, ces consacrés ont été reçus par le président du Sénat. Et après les Nations Unies et la Fédération internationale des Ligues des droits humains, l'ambassade de France à Bujumbura déplore elle aussi la radiation définitive de la Ligue ITK des associations autorisées à travailler au Burundi. Et l'administrateur de la commune Nyabikele en province de Karuzi demande de l'aide en faveur de plus de la moitié de sa population frappée par la famine. Nakumulyango Leonidas précise que 8 collines sont concernées sur les 14 que compte sa commune. Pendant ce temps, 20% des ménages en province Muyinga sont réticents à la politique nationale de subvention d'engrais. Ils disent craindre les effets néfastes des fertilisants modernes. Nos correspondants nous donneront les détails de toutes ces nouvelles. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, le Sénaré annonce qu'il ne va plus participer aux négociations ou toute autre activité organisée par le facilitateur Benjamin Mkapa. Cette décision a été prise ce jeudi au terme d'une session extraordinaire qui a réuni à Bruxelles, en Belgique, depuis mercredi, les membres de ce conseil. Dans son communiqué, cette plateforme de l'opposition burundaise, essentiellement en exil, dit contester le côté penchant de l'ancien président tanzanien et demande au médiateur Yoweri Museveni de trouver un autre facilitateur. Joseph Sabiyawande revient sur le contenu du dit communiqué. Dans son communiqué sorti ce jeudi, le Sénaré indique que Benjamin Mkapa ne bénéficie plus de la confiance des opposants politiques burundais. Il l'accuse de les avoir traités de malades mentaux et d'avoir déclaré que le pouvoir de Bujumbura est légal et légitime. En guise de conséquence, le Sénaré déclare qu'il ne pourra plus répondre aux négociations et autres activités organisé par le facilitateur Benjamin Mkapa. Dans le même communiqué, le Sénaré dit être convaincu que seules les négociations peuvent sauver le Burundi. Il demande au médiateur dans la crise burundaise, Yoweri Kaguta Museveni, d'entrer en consultation avec les autres chefs d'État de la communauté est-africaine pour trouver un autre facilitateur. Le Sénaré estime que le nouveau facilitateur doit être renforcé par une équipe de l'Union africaine et des Nations Unies. Merci Joseph. Le président du Sénat reconnaît la contribution des confessions religieuses burundaises dans la consolidation de la paix. Révérien Dekouliou les a rencontrés ce vendredi. Les représentants de ces dernières ont à leur tour demandé que les autorités publiques les écoutent chaque fois que de besoin, du moment qu'elles reconnaissent leur importance. On fait le point avec notre reporter Alain Désiré Okayenez. Dans cette rencontre, l'assistant du ministre de l'Intérieur apprécie positivement le travail accompli par les confessions religieuses dans différents secteurs de la vie nationale. Terence Nhairaja regrette cependant que certaines de ces confessions interviennent quelquefois dans les domaines ne rentrant pas dans leurs attributions. Selon le président du Sénat, la part des confessions religieuses est indispensable dans la consolidation de la paix. Révérien Dikuriyo dit que la crise qu'a traversée le Burundi a légué une leçon. Il implore aux confessions religieuses de s'acquitter de ce devoir de consolider la paix et la sécurité. Le représentant de la confession Compassion Church dit que la paix et la sécurité règnent au Burundi, ce qui importe pour Samson Chiza est de les consolider. Quant au secrétaire général de la conférence des évêques catholiques du Burundi, l'accent particulier doit être mis sur la paix dans le cœur. Selon l'abbé Lambert Nichiteretse, la paix n'implique pas nécessairement l'absence de guerre. Il demande aux religieux de bien accomplir leur devoir de prêcher la parole de Dieu. Il appelle aux autorités publiques de bien accueillir les conseils de la part de ces confessions chaque fois qu'elles ont besoin. Le président du Sénat demande à ces confessions d'appuyer les autorités publiques en agissant comme de bons bergers. Cette rencontre rassemblait 150 confessions religieuses sur près de 500 confessions reconnues au Burundi. Merci Alain. Et l'ambassade de France au Burundi déplore la décision des autorités burundaises de radier définitivement la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme.

L'objectif est de pouvoir aider le consommateur à pouvoir continuer à acheter nos produits sur le produit recommandé consommateur. Comment est-ce que cela doit se faire? La Bras-Rudi a mis en place le système de pouvoir acheminer nos produits vers nos centres les plus proches de nos clients, c'est-à-dire les SSD, là où ils se trouvent dans tout le pays, pour permettre à ces gens de pouvoir venir s'approvisionner tout près de leur point de vente. Il y a des vendeurs ou des détaillants qui se plaignent comme quoi ils investissent dans le transport pour aller acheter les boissons de la Bras-Rudi au niveau des SSD. Comment compenser les frais investis dans ce transport? Tout ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, ce transport, c'est comme s'il n'était plus existant. Le nouveau système que nous venons de mettre en place prévoit que celui qui viendra s'approvisionner au SSD soit celui qui se trouve tout près. Sinon, ceux qui sont un peu plus éloignés, nous avons des distributeurs qui ont un contrat avec la Bras-Rudi qui vont pouvoir nous aider à distribuer, c'est-à-dire acheminer nos produits vers les points de vente qui sont plus éloignés des SSD. Aujourd'hui, donc, nous pouvons rassurer les consommateurs que dans l'optique de pouvoir acheter au prix recommandé consommateur que nous avons récemment annoncé, cela pourra se faire dans les jours à venir, notamment si le cheminement, c'est-à-dire depuis les SSD vers les points de vente, est suivi. À vous entendre, les distributeurs qui ont un contrat avec la Bras-Rudi vont acheminer les produits de la Bras-Rudi vers les détaillants. C'est ça que nous souhaitons, c'est le souhait de la Bras-Rudi. Parce que pour pouvoir avoir le prix recommandé et respecté, c'est-à-dire que nous devons supprimer tous les frais de transport qui existaient au départ. Donc le souhait, c'est que le détaillant puisse avoir les produits au prix recommandé et qu'il puisse lui aussi pouvoir vendre au prix recommandé consommateur. Nelly Bazikamwe est chargée de la communication à la brasserie du Burundi et elle répondait aux questions de Joseph Sabiyabandi. Et la société de téléphonie mobile Connect Leo a modifié ses tarifs conformément à la taxe applicable aux communications téléphoniques nationales telle que proposée par le gouvernement, passant de 42 francs à 52 francs burundais la minute. Ainsi, la tarification des appels entre les membres du groupe Float passe de 50 à 60 francs burundais pour les appels du même groupe, de 100 à 110 francs bourg pour les appels intranet en dehors du groupe, et le tarif des appels vers les autres opérateurs passe de 168 francs bourg à 170 francs bourg la minute. Isanganiro. Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement fondamental se dit préoccupé par la passation des concours nationaux qui sont émaillés de tricherie. À cela s'ajoutent des engagements de directeurs d'école suite à leur appartenance politique. Le président du SINATEF, Victor Ndabaniwe, l'a dit au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement pour qu'il fasse cesser ses manœuvres dilatoires. Évariste Nzikoanyang. Au cours de cette conférence de presse, le président du syndicat SINATEF a mis l'accent sur les préoccupations qui hantent le secteur de l'éducation. Victor Ndabaniwe a dénoncé des tricheries observées dans les passations des concours nationaux. Certains qui ont triché pour le concours d'excellence ont été récemment punis, d'où le SINATEF ne voit clairement la nécessité de procéder au classement des dépayés et d'essayer, alors que les conditions de passation des 10 concours sont entachés d'irrégularité. D'où les surveillants doivent être permis pour que ces dignes d'essayer aillent surveiller dans une autre d'essayer. En outre, les organisateurs des concours doivent préalablement renforcer les capacités des surveillants pour les mettre au courant des consignes clés et des sanctions à infliger aux contrevenants. Une autre préoccupation, selon le président de ce syndicat national des travailleurs de l'enseignement fondamental, c'est l'engagement des directeurs des établissements tant primaires que secondaires. Victor Ndabaniwe indique que certains sont embauchés selon leur appartenance politique et demande que cela cesse. Parmi les facteurs qui ruinent la qualité des apprentissages, la nomination des directeurs des écoles non expérimentés, qui n'ont pas de compétences et connaissances professionnelles pour encadrer pédagogiquement et administrativement, occupe une place remarquable. Le fait que certaines écoles sont confiées à des directeurs non qualifiés dans le domaine de l'éducation, choisis pour leur talent politique, est une pratique à bannir. Il en est de même pour le recrutement des enseignants. Généralement, enseigner, c'est un métier et non un emploi qui peut être confié à n'importe qui. Le Sénatef rappelle à ceux qui proposent les candidats à nommer et les candidats à recruter dans le domaine de l'éducation de choisir réellement les détenteurs des titres académiques et scolaires qui cadrent avec leur métier d'enseignant. Le président du Sénatef a au cours de cette conférence de presse demandé au ministère de l'Éducation de mettre sur place et dans les meilleurs délais la loi régissant les cours de renforcement pour qu'ils puissent reprendre. Merci Évariste. Certains domestiques du quartier Moutanga Nord en commune Guirocha de la mairie de Bujumbura se lamentent parce que des inconnus leur extorquent de l'argent pour acheter des cartes d'identification. Le représentant du collectif des associations des travailleurs domestiques au Burundi explique que ces cartes ne signifient pas l'adhésion à l'association, mais plutôt que c'est pour les identifier. Christella Nizigam. Ces domestiques s'indignent parce qu'on leur perçoit une certaine somme d'argent pour leur octroyer les cartes attestant leur métier. Ils font savoir qu'ils ne connaissent pas cette association. Le problème que nous avons, nous ne connaissons pas cette association. On nous dit tout simplement de chercher la carte de travail. Nous nous sommes rendus au bureau de la zone et un agent nous a dit que cette carte nous sera d'une grande utilité et qu'il pourra nous aider à retrouver du travail. Nous avons payé 8000 francs. Nous voulons savoir Nous avons un problème parce que nous sommes tout le temps arrêtés par les policiers, accompagnés par les agents de l'association des domestiques. Nous demandons qu'on ne soit plus malmenés. Nous serions satisfaits si nous avions une association qui plaide pour notre cause. Le représentant du collectif des associations des travailleurs domestiques au Burundi explique que ces domestiques ne reçoivent pas ces cartes pour adhérer dans l'association, mais plutôt c'est pour les identifier. Manilambo na Richard. L'association des domestiques, en collaboration avec l'association des employés, ont initié une carte d'identification et nous avons donné cette carte aux domestiques. La carte coûte 7000 francs, mais il peut arriver que l'employeur ne possède pas de photopasseport. Ces cartes permettront de traquer les malfaiteurs. Le représentant du collectif des associations des domestiques indique que ce qu'ils sont en train de faire n'a aucun lien en rapport avec le commerce. Manilam Bonarichard fait savoir que tout est lié à la sauvegarde de la sécurité pour les domestiques et les employeurs. Nouvelle des provinces à présent, les habitants de 8 collines sur les 14 de la commune Nyabikere en province de Karusi sont frappés par la famine. Selon l'administrateur de cette commune, Nakumuriango Leonidas, demande de l'aide en faveur de cette population, surtout en termes de boutures de patates douces. Correspondance de Blaise Pascal Kararumiye. L'administrateur Nakumuriango Leonidas de la commune Nyabikere, province Karusi, indique que dans les 8 collines sur les 14 collines que compte cette commune de Nyabikere, la population se trouve dans une famine sans merci. Il fait savoir que cette population manque cruellement de vivres, qu'elle n'a plus à mettre sous la dent. L'administrateur communal explique que cette situation de famine est conséquente des pluies torrentielles mêlées de grêle qui ont détruit les cultures des champs de cette population au mois de décembre passé. Il signale que cette même pluie était venue après une sécheresse qui s'était prolongée jusqu'au mois de novembre. Leondas Nakumuriango indique avoir lancé cet appel demande d'aide au gouverneur de la province pour que ce dernier intercède pour lui auprès des responsables des autres provinces et sans oublier ses collègues administrateurs communaux de Karus. L'administrateur communal de Nyabikere demande une aide de vivres de semences telles que les boutures de patates douces pour sa population des collines de Maranja, Mbabazi, Ngugo, Butamenwa, Mazita, Gwandagaro, Nyarunazi et Tava. Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Et de Karusi, on passe à Muyinga, où moins de 20% des ménages agricoles adhèrent à la politique nationale de subvention d'engrais au Burundi. Et cela est dû à l'ignorance de certains cultivateurs qui ont des craintes quant aux effets néfastes des fertilisants modernes. Dieudonné Nzeyimana. Plus de 29 400 ménages agricoles de la province Muyinga utilisent les fertilisants modernes obtenus via le programme national de subvention des engrais au Burundi. Aujourd'hui, les ménages sont à la phase de paiement de la sorte pour la saison B 2017. Ces ménages représentent un pourcentage de 18% de 159 000 ménages de la province Muyinga. D'après le GSN de Guéa, directeur du secteur agro-pastoral à Muyinga,